couteau déchire une feuille et se referme la porte. Elle crie à l'injustice en se demandant pourquoi leur maman pleine de vices est morte ce soir-là. Fusil, il ne parle plus. En la perdant, il a tout perdu. Grenade a oublié qui elle était. De se retrouver quand maman poudre n'est plus là pour t'aiguiller. Oh yeah, yeah, yeah. Que pleure chaque lame, que meurt chaque drame, paix à leurs âmes. Que pleure chaque lame, que meurt chaque drame, paix à leurs âmes. Le chant de la colombe sonne. Faux, les bombes sifflent, une dent contre l'homme, y'a pas de sagesse dans ses gencives. Avec le temps, un casus belli s'embellit peu. Symphonie des barriers, Crésus, bah ouais, belli. Ne confond pas la guerre avec leur 7ème art. Sa sœur et croire à leur valeur en plein septembre. J'ai un cœur fusillé, comme ces soldats qui approchent en rang. Chaque levée de soleil est loin l'espoir du Proche-Orient. Du Rwanda à l'apartheid jusqu'au Biafra. Une impression que l'argent est leur Viagra. Pour la pointure de l'extrémisme, un barbu médiatique se serre la ceinture de dynamite. Demande aux twins, la vérité s'écrase trop vite. Pour l'unité, on pisse dans le violon de Rostropovitch. Fleur bleue au fusil, viens m'apaiser l'alarme. Et que sur le champ de bataille, j'entende paix à leurs âmes. Que pleure chaque lame, que meurt chaque drame. Pour ces endroits sombres où les bombes tombent, où y'a pas de bons amis mais que des bons règlements de compte. En fin de compte, la paix donne son tue à la première bastos venue. La terre du crime fait peur, alors d'antan on y serait tous venus. La peur a pris en otage le sourire des gamins. On arrache une vie aussi vite qu'on arrache à sa camin. Si je te serre la main, c'est pas pour que tu l'emmènes chez toi. M'en fous de la chaleur humaine, c'est bien réel, j'ai froid. Pour de l'argent dont je verrai jamais la couleur, je me bats. J'aimerais bien dire, je me barre et je lâche tout, mais bon, je peux pas. L'appel du cœur veut pas, faut pas que je devienne taré. Tous les jours, j'ai sous les yeux l'appel qui va m'enterrer. Serrer les dents, je le fais naturellement, tu sais. Quand t'as pas le choix, tu t'es et tu fais. J'ai déposé quelques lignes dans un coffre fort qui ne me quitte jamais. Si t'en prends connaissance, c'est que je suis mort. Que pleure chaque lame, que meurt chaque